Allô chérie, c'est toi? Oui, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a plus de pain à la maison. Avant de rentrer, tu peux passer à la boulangerie du coin, acheter deux baguettes, s'il te plaît? Bien sûr. Rien d'autre? Si, deux croissants et deux pains au chocolat pour le goûter des enfants. D'accord. À tout à l'heure.